جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سيري بارك الله فيكم. Avancez-vous. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إنكم خلقتم لمقصد عظيم، إن خلقكم وبعثكم إنما لمقصد عظيم، ولذلك لا يعتقد الواحد منا أنه وجد عبثاً أو خلق عبثاً، وإلا فحقيقة الأمر كما أخبر الحق جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، إنما خلقنا لمقصد عظيم ولغاية نبيلة أخبر عنها الحق جل وعلا، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنما خلقت لعبادة الله جل وعلا، والعبادة عباد الله لغة هي التذلل بين يدي الله جل وعلا والخضوع له سبحانه، وشرعا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الله جل وعلا ولكل ما يحبه الله جل وعلا من أقوال وأعمال، سواء أكانت ظاهرة أو باطنة. نعم عباد الله، chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa clémence, nous a créés pour un objectif bien précis. Que l'un d'entre nous ne pense pas que sa création n'a pas d'utilité, ou n'a pas d'objectif, ou qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé uniquement en vain. Ce n'est en aucun cas l'objectif de la création des uns et des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé qu'il nous a créés comme il a créé les djinns. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. L'adoration qui est la ibadah. La ibadah qui est cette notion de soumission. La soumission à Allah Azza wa Jal. La soumission à ses prescriptions. C'est la raison pour laquelle, quand on définit l'ibadah, on la définit à travers un nom qui regroupe ce qu'Allah Azza wa Jal aime et ce qu'Allah Azza wa Jal accepte parmi les paroles et les actes, qu'ils soient apparents ou qu'ils soient au fond de toi-même. C'est de cette façon-là qu'on définit le terme l'ibadah. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله وجب على العبد أن يجاهد نفسه أن يجاهد نفسه في طاعة الله جل وعلا وفي عبادته وأنه إن جاهد الله عز وجل في نفسه وفي عبادته فتلك والله فذلك والله هو الجهاد الحق هو الجهاد الحق الذي هو جهاد النفس والذي قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله فالمجاهد حق من يجاهد نفسه لعبادة الله جل وعلا ولطاعة الله جل وعلا ولذلك قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال حفت الجنة بالمكاره حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات طريق الجنة مملوء بالصعوبات مملوء بالمشقات مملوء بالمجاهدة طريق النار تحفه الملذات والملهيات فتجد الإنسان يقبل على الدنيا وينسى الآخرة تجد الرجل يقبل على ملذات الدنيا وينسى أنه خلق من أجل مقصد عظيم ألا وهو عبادة الله جل وعلا فلذلك أيها الإخوة الكرام من جاهد نفسه من جاهد نفسه فالله عز وجل بفضل منه وكرمه يوصله إلى الصراط المستقيم ويوصله إلى السبيل المستقيم وقد قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الذين جاهدوا لمرضاة الله جل وعلا جاهدوا في أنفسهم الله عز وجل تكفى بهدايتهم إلى الصراط المستقيم وأمر الله عز وجل أمر عباده بالمجاهدة في طاعته جل وعلا فقال سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده نعم عباد الله إنك إذا تمسكت بحبل الله عز وجل المتين إنك إن جاهدت نفسك في طاعته تكون وليا من أولياء الله جل وعلا. من أخذ بهدي الله جل وعلا، من أخذ بحبل الله عز وجل المتين، صار وليا من أولياء الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله الله يا مسلم، الله الله يا أمة الله. من كان وليا لله جل وعلا الله سبحانه يحفظه ويصونه ويتولى أمره من فوق سبع سماوات، فمتى أقبل العبد على الله عز وجل كان من أولياء الله الصالحين. فالمجاهدة في طاعة الله وعبادته تورثك أن تكون من أولياء الله جل وعلا. والجنس أو الجزاء عباد الله من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا أقبلت على الله تكفل الله جل وعلا بحفظك وبتوفيقك وبتثبيتك. وقد جاء في الحديث الصحيح حيث يقول الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا والله الجزاء من جنس العمل. فجاهد أخي الكريم، جاهد نفسك الأمارة بالسوء جهادا عظيما، جاهد نفسك جهادا عظيما. أيها المسلمون، le musulman dans la vie de ce bas monde est invité à mener un combat sans arrêt, sans cesse, sur son nafs. D'ailleurs, notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans un de ses hadiths, ne précisait que le vrai combattant, c'est celui qui combat son nafs dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. Le vrai combattant, le vrai mujahid, c'est celui qui édique son nafs, c'est celui qui combat son nafs à se mettre sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jalla nous a promis à celui qui mène ce combat contre son nafs, cette nafs qui est malheureusement connue pour avoir cette envie de comploter matin et soir contre nous-mêmes, contre notre droiture. Allah Azza wa Jalla nous a promis, si toutefois on combat notre nafs pour emprunter la voie de la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala sera notre protecteur. Et Allah Azza wa Jalla sera notre guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mettra sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jalla va raffermir notre cœur. Tant que le serviteur combat son nafs pour suivre la voie d'Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur et sa puissance, s'est porté garant de nous mettre sur le droit chemin. D'ailleurs, dans un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, parce que cette voie de droiture mènera à ce que nous soyons des awliya, des alliés, des aimés d'Allah Azza wa Jal, des privilégiés de la part d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi, nous déclare ceci. Je déclarerai la guerre. Je déclarerai, c'était Allah Azza wa Jalla. Je déclarerai la guerre à quiconque témoignera de l'hostilité à l'encontre de l'un de mes protégés. Parmi tous les moyens qu'emploie mon serviteur pour se rapprocher de moi, il n'en est aucun qui me soit plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, écoutez-le bien, mes chers frères et mes chères sœurs, quand Allah Azza wa Jalla aime ses serviteurs, et quand je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, et le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui accorde. Et s'il recherche ma protection, je le protège. Plus on emprunte la voie de la droiture, plus Allah Azza wa Jalla nous comble de cette miséricorde et de cette clémence. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salat wa salam nous souligne qu'Allah Azza wa Jalla a dit: lorsque mon serviteur s'approche de moi d'un pas, je m'approche de lui d'une coudée. Et lorsqu'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'un nampon. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. Il suffit que chacun d'entre nous emprunte la voie. Il suffit que chacun d'entre nous combat cette nafs pour qu'il bénéficie de la part d'Allah Azza wa Jal de cette miséricorde et de cette clémence. Et bien sûr, la récompense est en fonction de l'acte. Plus ce serviteur est proche d'Allah Azza wa Jal, plus Allah Azza wa Jal lui accorde cette protection. فَلِدَالِكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ يَا أَمَتَ اللَّهِ فَنُجَاهِدْ أَنفُسَنَا هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةَ بِالسُّورِ جهادا عظيما. وانظر إلى قول الله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبعد أن أقسم الله عز وجل بخلقه بجميع خلقه أقسم بهذه النفس أقسم بهذه النفس التي إن سعى الإنسان في إصلاحها هداه الله عز وجل ووفقه ودله على الصراط المستقيم وحفظه سبحانه وتعالى. وانظر أخي الكريم، انظري أختاه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاهد نفسه وهو منهوك بأبي وأمي أنت يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه. فتقول له في ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، ويقول عليه الصلاة والسلام: أولا تحبين أن أكون عبدا شكورا. هذا جهاد النفس، هذا الذي غفلت عنه الأمة وأرادت غير ذلك ونهجت غير السبيل المستقيم فتاهت وضلت وأضلت والعياذ بالله. نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا في صحيح مسلم، والحديث يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قام النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بين يدي الله جل وعلا، فقام معه حذيفة يصليان لله جل وعلا، فافتتح النبي عليه الصلاة والسلام بسورة البقرة، فقال حذيفة لعله يركع عند المئة، حينما يصل إلى الآية المئة من سورة البقرة يركع، فلم يركع، قال لعله يركع بعد نهاية سورة البقرة فلم يركع. فبعد سورة البقرة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء، وليست سورة آل عمران، سورة النساء. وبعد سورة النساء تلا سورة آل عمران، ثلاث سور، وهو واقف بين يدي الله جل وعلا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فلما ركع، ركع النبي عليه الصلاة والسلام، ظل راكعا مدة قراءته للسور الثلاث، فلما قال سمع الله لمن حمده ظل واقفا مدة قراءته للسور الثلاث، وكان حاله كذلك إلى أن أتم الركعة. رأيتم جهاد النفس، حقيقة جهاد النفس. الإنسان منا الآن يصلي ركعتين في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة يصلي ركعتين، ويتباهى بصلاته ويفتخر بصلاته، وكأن الله عز وجل كشف عنه السحب وفتحت له أبواب الجنان، ودخل مع النبيين والصديقين والشهداء، وصلح أولئك رفيقا. الله الله الله الله في أنفسنا، الله الله في أحوالنا. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم نعد إلى ربنا ونجاهد أنفسنا في طاعة الله جل وعلا وفي عبادته وفي التقرب منه، فلن نحقق النصر إلا بذلك. إن تنصروا الله ينصركم، انصر الله في نفسك، في نفسك انصر الله في نفسك مع ربك في طاعتك له جل وعلا. نعم، je disais mes chers frères que Allah عز وجل dans sourate الشمس، سورة الشمس، الله سبحانه وتعالى يجير par الشمس، par le soleil، par la lune، par le ciel، par le soleil، par la terre، et il jure aussi par النفس. Quand Allah عز وجل jure par des créatures à lui, c'est pour nous montrer leurs importances. Mais au-delà de ça, c'est pour nous alerter à faire énormément attention donc à ces créatures qui font partie des créatures d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce verset, dans ces versets, Allah Azza wa Jal a géré par un nafs. Cette nafs qui cherche à emprunter la voie de la droiture. Cette nafs qui cherche à être sur le droit chemin. C'est là Allah Azza wa Jal lui accorde la facilité dans la vie de ce bas monde et lui accorde la miséricorde et la clémence auprès de lui subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on est invité à combattre notre nafs, à mener ce vrai jihad sur le nafs, pour qu'il soit dans la droiture, dans le chemin de la droiture. Prenons l'exemple de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a été envoyé comme modèle, celui à qui Allah Azza wa Jal a pardonné ses péchés dans le passé et dans le futur. Il priait de nuit, au point que ses pieds étaient fissurés. Et quand Aïcha radiallahu anha lui faisait des reproches, lui demandait de se reposer, il lui disait, salawatullahi wa salamu alayhi, ne veux-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant? Voilà le sens de la servitude. Voilà le sens de la reconnaissance. La servitude, c'est dans l'adoration. La reconnaissance, c'est à travers la soumission aux ordres d'Allah Azza wa Jal. On retrouve cela aussi dans le hadith de Hudayfa ibn Yaman. On peut citer plusieurs hadiths. J'en ai cité que deux, mais on peut en citer plus. Hudayfa ibn Yaman, un jour, il est venu auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, prier avec lui de nuit. Le prophète, il a commencé à réciter Sourate al-Baqarah. Hudayfa ibn Yaman, il s'est dit, au centième verset, le prophète, il va s'incliner, il fera rukou. Arrivé au centième verset, il continue, alayhi salatu wassalam. Hudayfa, il s'est dit, à la fin de la Sourate al-Baqarah, il va s'incliner. Terminé Sourate al-Baqarah, le prophète, il enchaîne avec Sourate al-Nisa, les femmes. Il termine surat al-Nisa, il revient à surat al-Imran. On n'a pas respecté l'ordre. Quand il a terminé la récitation, sachant que la récitation du prophète alayhi salam, ce n'est pas notre récitation aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Amin, Allahu Akbar. Il récitait verset par verset alayhi salatu wassalam. Et il s'arrêtait à chaque verset et il implorait la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour chaque verset. C'est pas tout. Kana hinama. Et maintenant, on a du mal parfois à comprendre. Le prophète est rentré dans la prière de Doha, donc en public. Allahu Akbar. Les gens, ils partaient pour faire leurs ablutions. Sma'on est bien. Ils disent Allahu Akbar, salat al-Doha. Les gens qui ont été tordés, qui ont été tordés. Psa, je ne sais pas. المراحل بحال حنا يمشي للخلاء ما خص حتى واحد يشوفو باش يقضي الحاجه ديالو ويقضي حاجته ويستنجي ويتوضا وياتي والنبي لا زال في ركعته الاولى صح ولا لا حنا غير تنزل لتحت باش توضا طلع سيبو واكملوا الظهر هذه في الصلاه الفريضه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم يصلي يقول الله أكبر والناس الصحابة كانوا يقولون خرجوا مشيوا توضوا في الخلاء نستنجي ثم نأتي ثم نتوضا ثم نجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في الركعة الأولى الله الله في صلواتنا وهي لا ديفيرونس وهي après donc on se dit pourquoi Allah عز وجل nous accorde pas donc sa protection pourquoi Allah عز وجل nous accorde pas le secours pourquoi Allah سبحانه وتعالى ne protège pas et pourquoi ceci pourquoi cela regardons tout d'abord en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment sincère avec Allah Azza wa Jal? Comment il est notre prière? Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on prie. Et malheureusement, encore aujourd'hui, si on demande à n'importe qui d'entre nous, si on regarde comment il prie, on dira La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Donc, Hudayfa ibn al-Yaman, le prophète, il a récité les trois sourates. Il s'est incliné. Quand il s'est incliné, le temps qu'il lui a fallu pour réciter les trois sourates, c'était le temps qu'il est resté en inclinaison. Il se lève de l'inclinaison, il reste debout, le même temps. Il se prosterne, le même temps. Ça, c'est pour accomplir deux rak'at. Vous voyez le vrai jihad, le vrai combat. Jahid nafsak awwalan. Combat tout d'abord ton nafs, combat ton shaitan, et bien là, tu auras la réussite. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Je sais que je suis déjà en retard. Pour gagner un peu plus de temps, je ferai en français. Vous avez tous et donc cette bonne nouvelle qu'on a eue donc la semaine dernière, donc vendredi dernier, concernant cette préemption de la part du maire. Vous savez, donc on avait mené le projet d'acheter cette mosquée. Et le maire, il a pris la décision de préempter. Donc on avait porté cette affaire devant le tribunal. Et alhamdulillah, donc on a eu gain de cause. Allah Azza wa Jal, à travers vos du'as, les du'as donc de chouyour parmi nous, les chibanis parmi nous, les personnes âgées, les femmes, les enfants, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala répondait favorablement à toutes ces invocations, à toutes ces pleurs, à toutes ces personnes qui sollicitaient, qui demandaient, qui n'ont cessé, qui n'ont jamais oublié. Et combien de fois on l'avait rappelé, que nous on s'attache tout d'abord à qui? On s'attache à Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui viendra à notre secours. Personne d'autre autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Restons confiants que c'est lui qui donne. Quand le prophète, alayhi salatu wasalam, apprenait ça à Abdullah ibn Abbas, qui était un gamin, un enfant, il lui disait, quand tu sollicites Allah Azza wa Jal. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal. Et sache, si toute la Ummah, tous les gens, se réunissent tous contre toi, pour une chose qu'Allah Azzawajal a décrétée pour toi, ils n'avanceront rien comme ils ne reculeront de rien. Allah Azzawajal t'accordera ce qu'il a prévu. De même, si tout le monde s'accorde pour t'apporter un secours qu'Allah Azzawajal n'a pas décrété pour toi, tu ne l'atteindras jamais. Donc c'est cette confiance qui nous anime depuis plusieurs années et qu'on espère la garder jusqu'à وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. الْيَقِينَ c'est le mort, la mort. C'est pas la certitude ici, c'est la mort. On est censé adorer Allah Azza wa Jal jusqu'à la mort. Quand ton âme sort, en disant La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, t'as gagné. Avant cela, on n'a rien gagné. Avant que cette parole ne sorte et avant que notre âme ne quitte notre corps, on n'est jamais à l'abri. Alhamdulillah, awwalan. Donc on nous tenons à remercier Allah Azza wa Jal. Donc on est censé le remercier matin et soir pour cette miséricorde. Vous voyez, donc on était dans un contexte qui est difficile. Le jugement a eu lieu après donc les événements de Charlie Hebdo. Dans un contexte, on pouvait s'imaginer le pire. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide. Dans toute difficulté, il y a certainement des facilités. À chaque fois qu'on les portes se ferment, plus les portes se ferment, plus que l'issue de la part d'Allah Azza wa Jal, il est proche. Et on a patienté, et on a enduré, et on a demandé, invoqué. Au final, Allah Azza wa Jal nous a accordé cette possibilité. Barakallahu fikoum. Donc maintenant, le jugement, il est sorti. Donc on a un jugement qui casse la préemption donc du maire, qui nous donne la possibilité d'acheter notre bien et de pouvoir construire notre mosquée. Nabil vous a rappelé tout à l'heure qu'il nous en manque encore 150 000 euros. En comptant donc les frais du notaire. Donc il va falloir, barakallahu fikoum, ceux qui se sont engagés et qui pour donc des raisons n'ont pas pu respecter leur engagement ou leur deal, c'est maintenant qu'il va falloir se donner les moyens pour respecter l'engagement. Parce que donc on doit le faire le plus rapidement possible. On ne doit pas laisser traîner. Notre objectif c'est d'arriver dans peu de temps à concrétiser l'achat. Barakallahu fikoum. Vous êtes invités tous, hommes et femmes, de pouvoir faire en sorte que ce projet se concrétise. Ceux qui ont déjà donné, rien ne vous empêche de donner. Alhamdulillah, c'est la voie donc de khair. Et cette voie nous est ouverte aujourd'hui. Il va falloir en profiter. Barakallahu fikoum. Kulkum mutalabun. Tous, sans exception. Entre nous, donc on se met à mettre donc chacun parmi nous qui nous sommes, bi'idnillah azza wa jalla, 150 000 euros, on arrivera à la récolter en peu de temps. Et bi'idnillah pour pouvoir concrétiser notre projet. Fabarakallahu fikum. Allez, nastamir fi du'a, wa nastamir fi dhikrillah azza wa jalla, wa fi jihadi nafs. On doit continuer à invoquer Allah azza wa jalla, à l'implorer, à le remercier, à mener ce jihad contre nafs. Wa nas'alullah azza wa jalla tawfiq. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله